Chapitre 18e. Coup de théâtre. À Saint-Pétersbourg, on ne se livra aucune espèce de réjouissance ce samedi-là. Madame Harper et la tante Polly se lamentaient en préparant des vêtements de deuil. La petite ville, si calme d'ordinaire, était encore moins animée que de coutume. Chacun vaquait à ses affaires, mais personne n'avait le cœur à la besogne. Vers 1 heure de l'après-midi, Becky Thatcher se mit à errer comme une âme en peine dans la cour déserte de l'école. Elle se sentait très malheureuse et ne trouva rien là qui fût de nature à la consoler. « Si j'avais seulement la boule de cuivre, » pensait-elle, « mais non, je n'ai rien gardé en souvenir de lui. » Il s'éloigna avec de grosses larmes dans les yeux. Un groupe d'écoliers, au lieu de profiter du congé du samedi pour se livrer à leurs jeux habituels, vint regarder par-dessus la clôture. On s'entretint de ce que Tom faisait la dernière fois qu'on l'avait vu, de ce que Joe Harper avait dit. On se rappela une foule de détails auxquels on n'avait attaché aucune importance au moment et dont on aurait dû être frappé. Puis on se disputa pour savoir qui avait échangé les dernières paroles avec les défunts. Plus d'un revendiqua ce triste honneur en s'appuyant sur des témoignages dont un juge impartial ne se serait pas contenté. Un candidat à la notoriété, qui n'avait aucun titre plus valable à invoquer, voulut aussi se mettre en relief et dit avec une nuance d'orgueil très visible « Moi, j'étais rossé par Tom il y a 8 jours. » Mais là, c'était une distinction dont la plupart de ses camarades pouvaient se targuer, de sorte que la vanterie ne produisit pas le moindre effet. Le lendemain, la cloche de l'église sonna le glas, au lieu de tinter comme elle le faisait tous les dimanches. Les fidèles commencèrent à se réunir, s'arrêtant à l'entrée du temple pour parler du triste événement. Mais à l'intérieur, on s'abstint de causer même à voix basse. Lorsque tante Polly et la mère de Joey entrèrent avec les membres de leur famille, tous en grand deuil, l'assistant se leva et se tint debout jusqu'à ce que les affligés eussent atteint le banc le plus rapproché de la chaire. Après un moment de profond silence, le service divin commença. Dans son sermon, le pasteur parla en termes si touchants de ceux dont on déplorait la fin prématurée qu'une partie de l'auditoire se reprocha de n'avoir jamais reconnu que les défauts des jeunes trépassés. Le prédicateur rappela plus d'un incident qui annonçait chez les défunts un caractère plein de noblesse et de générosité. La douleur de tante Polly et de Madame Harper le touchait trop pour qu'il n'oubliât pas certains épisodes à la suite desquels ce qu'il louait avait été de sa part l'objet de prédictions peu flatteuses. Bref, il se montra d'autant plus éloquent que ses paroles attendries venaient du cœur. Il achevait son sermon lorsqu'un léger bruit auquel personne ne fit attention résonna dans la galerie. Quelques minutes après, la porte qui menait à la galerie s'ouvrit et le pasteur resta bouche béante. Peu à peu, tous les yeux prirent la direction que suivait son regard, puis l'assistance entière se leva presque à la fois et demeura confondue à son tour en voyant les trois noyés s'avancer à la file. Tom cheminait en tête avec l'allure d'un triomphateur et Joey, qui venait derrière lui, cherchait en vain à imiter le maintien de son chef. Huck fermait la marche d'un air embarrassé, bien que ses vêtements ne fussent guère en plus mauvais état que ceux de ses compagnons. Les pirates ou les chefs indiens, si vous aimez mieux, s'étaient blottis dans la galerie inoccupée afin d'écouter leur oraison funèbre. La tante Polly, Mary, les Harper se jetèrent au cou de deux des morts supposés. Huck, qui ne se sentait pas à son aise, ne savait où se cacher pour échapper au regard fixé sur lui. Une triste expérience lui avait appris à ne pas trop compter sur la sympathie de ses semblables. Il hésita un moment et fit 1 ou 2 pas en arrière. Tom lui coupa la retraite. « Tante Polly, » dit-il, « ça n'est pas juste. Il faut que quelqu'un soit content de revoir Huck. »« Mais tout le monde est content de le revoir, le pauvre orphelin. Moi, la première, » répliqua tante Polly. Elle se mit aussitôt à combler d'attention aimante le malheureux Huck, qui, faute d'habitude, ne sut quelle contenance garder. Soudain, le pasteur, d'une voix qui fit vibrer les vitres, entonna le premier vers d'un vieux cantique. « Gloire au Seigneur, dont la grâce infinie. Chantons et mettons-y toute notre âme. » Chacun y mit toute la ferveur dont il était capable, et le cantique monta vers le ciel comme un chant de triomphe, ébranlant les poutres de la toiture. Tom Sawyer, le pirate noir, sans paraître remarquer les regards d'admiration d'une partie de son entourage, se crut un plus grand hommage que le juge Thatcher lui-même. Quant aux fidèles dont ils s'étaient moqués, ils déclarèrent, en regagnant leur domicile respectif, qu'il consentirait volontiers à être mystifié de nouveau, afin d'entendre chanter le vieux cantique comme on venait de le chanter. Ce jour-là, selon l'humeur variable de tante Polly, Tom reçut plus de caresses et plus de coups de dé qu'il n'en obtenait d'ordinaire d'un bout de l'année à l'autre.